garçon Benoît de l'ombre. Laïna que mon bembo, il s'est dit merci. Et pas y'a qui cali au basa kama. N'a qu'à ti à Paris et sous les ma contouna. Bomba non, mais j'ai dit mon esa la sécurité. Basa kama, colon a mis mi sainte Issei. Ou y'a bien babo ti bayo. La kaya libala, bobo sanakate, allez gana Paris. Et paio tikali mi remwika, fidélite na mi soba kondenge gome sana, et paina kokende. Makanisi manga epana yona bara. Bazaka mon corona bibi misaka, Dieu merci, ou embia babo tibayo. La kaya libala, bobo sanakate, ma bombo mousafiri. Paio di kalimi remwika, fidelite na misoba kondenge gome sana, e paina kokene. Makanisi manga epana yona bana. Franskin International, les Golden Boys. Jean-Jacques Bayonne, 5 sur 5. Nakei konsala avenira gana yo. Lokumu ya mobali sera mosala na yo kaka. Are madinga. Kanake otikali yo batela bolingo. Ozali sena maboko mangai. Obisi mama e. Tuna dipima bolsa. Na sengi na zamba ni mayanga na yo sema kwela. Atana mosiko banza. Bato lobi bako mo salisa. Na sengi na zamba ndi mayanga na.